Très bonsoir. Saluez-vous donc encore les uns les autres, vous, ceux qui n'ont pas arrivé. Si vous avez, voyez quelqu'un, vous ne connaissez pas son nom, demandez-lui son nom maintenant. Donc tu étais à côté d'elle comme ça, tu ne connaissais pas son nom là, c'est Joseph. Tu ne connais pas le nom de la maman là. Et vous êtes le même quartier. Tu viens de connaître, non? On peut commencer. Alors, dès que vous aurez fini, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous voulez reprogrammer pour la suite, reprogrammer. Et on commence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc souvenez-vous, quand on va rentrer du Sénégal, lorsque nous allons rentrer du Sénégal, on peut commencer là. Ok, nous allons commencer avec les enfants. Asseyez-vous, c'est trop de mouvement. Vous n'êtes pas fatigué, non? Non. Mais vous voulez qu'on arrête aujourd'hui? Non. Aujourd'hui. Ok. Prenez, préparez votre stylo parce que quand, au fur et à mesure, quand ça va commencer à venir, il va commencer à vous donner. Mais avant, je vais vous dire certaines choses. Vous vous souvenez dans l'enseignement tenir ferme? Quand vous voulez comment tenir ferme, je vous avais dit ici que durant cette 2018, certains d'entre nous vont perdre les proches. C'est ça, n'est-ce pas? C'est le volet pleurer avec ceux qui pleurent. Le volet réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent doit également être fait. D'accord? Il faut qu'on se réjouisse. Si pour pas soit de bonnes choses, on partage ensemble. C'est pas ça? Donc, lorsqu'on va rentrer, vous ne pouvez pas célébrer ça sans moi. Parce que lorsque nous allons rentrer au courant de la fin du mois d'août du Sénégal, plaise à Dieu, on aura des heureux événements ainsi, peut-être des mariages. D'accord? Donc préparez-vous. Il y aura des mariages. Peut-être même peut-être les soeurs ou bien les frères qui vont se marier ne savent même pas encore. Mais il y aura des mariages. Qui vous connaît. Vous avez commencé à dire, regardez telle personne qui peut se marier, qui peut se marier ici. Vous allez faire des choses, vous n'allez pas tomber sur la bonne personne. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Donc préparez-vous donc. Si vous préparez déjà des cadeaux. Donc préparez-vous donc à ça. Moi-même, je serai là. D'accord, frère? Amen. Alors non seulement ça, j'aimerais qu'on salue Papa Tahi. Avec son épouse. Salut d'abord, salut Papa Tani. Salut-le. Il fallait saluer Papa Tani avec ton épouse. Félicitations. Salut-le, salut-le. Ça, c'est la salutation, c'est vraiment mercredi, on va célébrer. Saluez, saluez, saluez. Dis Batani, félicitations. Voilà. Je vous salue. Vous voyez que, voilà, vous êtes tellement intelligent que quand on vous demande de saluer, vous voulez savoir pourquoi il faut saluer. Ce qui est sûr à 100%, c'est qu'elle ne se marie pas. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Et l'autre chose, c'est que ça ne peut pas être que. Bon, ça peut aussi être que ça qu'elle est enceinte maintenant. Pourquoi? Hein? C'est un heureux événement. Quand une vie vient, il faut féliciter, pas vrai? C'est que Papa Tania fait le bon travail. Voilà. Vous avez maintenant compris pourquoi, non? Il voulait dire que quoi? Que c'est un heureux événement. Non, pas toi qui dis Papa Tania, c'est eux qui a dû le dire. Il veut donc dire que qu'est-ce qui se passe, Papa So? Non, je ne connais pas le père. Oui, Papa So, pendant qu'il parle, il regarde d'abord le ventre du moment ici. Et puis il dit, est-ce qu'il y a quelque chose dans le ventre? Qui comprend ce qu'il veut dire par là? Pourquoi vous l'avez félicité déjà? Parce que j'ai dit. Ok, parce qu'il a dit. Alors, c'est un événement particulier. Et il va falloir qu'il nous fasse célébrer ça ici mercredi. Amen. La Bible déclare que réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Je vais vous lire un texte. Et puis, vous allez savoir de quoi il est question. Communiquer. Communiquer. Non, pas communiqué. Communiqué numéro 18. Bas 00-366. Bas MINESUP. Bas SG. Bas DAUQ. Bas SDAC. Du 3 août 2018. Yeah. Yeah. Portant admission des candidats au concours d'entrée en troisième année du cycle des ingénieurs de conception à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Le ministre de l'Enseignement supérieur communique. Sous réserve de la présentation de l'attestation de réussite au diplôme DUT, DUEG, diplôme d'ingénieur des travaux ou de licence de physique, mathématiques, informatique, etc., les candidats dont les noms suivent sont déclarés définitivement admis et classés par ordre de mérite au concours d'entrée en troisième année du cycle des ingénieurs de conception à l'École nationale supérieure polytechnique ENST de l'Université de Yaoundé au titre de l'année académique 2018-2019. Il s'agit de 1. Génie informatique première, Camino Tanier Enis Manuela. 2. Les candidats, je lis ce qui nous est conseillé. Elle est première. Bon, déjà, pourquoi tu saluais dans les Vataniens? Sous réserve. Les candidats admis devront se présenter à l'ENSP au plus tard le 3 septembre 2018 pour remplir les formalités d'inscription. Passé ce délai, ils seront automatiquement remplacés par les candidats de la liste d'attente. C'est signé du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fami Ndongo. Fin de citation. Donc, je tiens à dire que vous remarquez effectivement que c'est sa première fille. Que Dieu les bénisse. Amen. Que Dieu les bénisse. Donc elle a besoin, cette fille-là a besoin de prières. Et les filles ne peuvent pas tenir. Je vais vous dire quelque chose pour ce qui est en train d'arriver. Quel que soit, je vais revenir sur ces choses-ci. Regardez quelqu'un du haut. Vous savez comment les yeux hautains. Quand vous êtes debout et que vous regardez quelqu'un par, c'est pour ça que les pasteurs construisent des pupitres pour vous regarder un peu du haut. Vous dites qu'ils sont plus en haut que vous. Quand vous regardez quelqu'un du haut, vous ne savez pas à quoi le lendemain est fait. Vous ne savez pas à quoi le lendemain est fait. Ne méprisez. C'est pour ça que l'on ne veut pas mépriser. Imaginez un berger qui, en Samarie, méprisait David alors qu'ils ont de faire la bergerie pour ensemble. Quand David quitte là-bas, il est quoi, frère? Roi. Roi où? Donc, il contrôle tout le territoire, pas vrai? Donc, quand on ne connaît pas la destinée, en fait, n'essayez pas de voir quelqu'un pour dire celui-ci peut devenir quelqu'un demain. Ne faites pas ça. Il ne faut pas faire le plan avant de faire quelque chose. Il faut aimer tout simplement. Amen. Parce que le Seigneur peut se cacher dans la pauvreté. Le Seigneur peut se cacher dans le pauvre. Il peut se cacher. Vous pouvez être là comme ça, vous dire, ici moi qui ici, les gens se marient, ils ne me marient pas. Vous êtes venus ensemble. Amen. Ce qui est écrit de toi va s'accomplir. Amen. Alors que chacun reste seulement calme en son temps. Amen. En son temps, et Dieu fait des choses. Amen. Donc, mercredi, qu'il veut ou qu'il ne veut pas, avant qu'on continue à l'église, c'est le moment de célébration. Amen. D'accord? Donc, ils vont nous faire... Vous comprenez ce qu'il dit, non? Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Patan, tu as quelque chose à dire? Bon. Tu as tout dit. Ok, il a tout dit. Il a prêté mon discours. Alors, on peut commencer maintenant. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, souvenez-vous, lorsqu'on va rentrer d'ici le fin août, il y aura une ou deux célébrations de mariage ici. Et donc, préparez-vous. Il ne faut pas qu'on vous dise maintenant que mes frères, on se marie tel jour-là. Et puis, vous dites que non, vous ne savez pas. Vous étiez au courant. Qui a des questions à me poser à ce sujet? Ok, vous avez, je vous donne l'opportunité de me demander qui c'est, qui s'est marié, vous n'avez pas dit, donc on ne pose plus de questions. Voilà, donc, alors on va commencer maintenant, ouvrez les Saintes Écritures. Vous êtes témoin contre vous-même que je vous demande de poser des questions concernant ce sujet, personne n'a dit. Si vous me demandez que c'était qui frère, je vous dis que c'est papa Tanya et maman Tanya par exemple. Voilà. Donc, il y aura des mariages aussi, on va en célébrer, d'accord? Amen. Dieu voulant. Donc préparez-vous. Et ces mariages, je vais m'investir particulièrement. Amen. Si la personne veut la voiture, je vais invoquer au nom de Jésus-Christ la voiture va venir. Amen. Voilà, prenez Joël chapitre 2. Notez. On commence maintenant. Je crois que maintenant, la fatigue vous a quitté. Quand vous allez vous marier, vous allez savoir que c'est une bonne chose. Frère, c'est pas une bonne chose. Très bonne chose. Joël chapitre 2, verset 10, verset 12 à 17. Notez le passage qui vient de donner, puis je vais avancer. Notez 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Je vais introduire cette notion-ci. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Notez Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 30 et 31. Jérémie chapitre 30 et 31. Donc, mercredi, une fois de plus, mercredi, il serait la plaise au Seigneur, 18h, pour qu'on commence véritablement là-dedans, pour bien développer cela. J'ai dit Joël chapitre 2, verset 12 à 17. 2 Timothée, c'est ça? 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 2, maintenant. Verset 19 à 22. Verset 19 à 22. Vous allez donner Jérémie chapitre 4, Jérémie chapitre 30, Jérémie chapitre 31, n'est-ce pas? Osée le chapitre 10. Osée chapitre 10 et chapitre 12. Osée chapitre 10 et chapitre 12. Osée chapitre 10 et chapitre 12. Jean chapitre 14. Jean le chapitre 14. Verset 12. À 13, chapitre 15, verset 1 à 7. Chapitre 15 de Jean, verset 1 à 7, puis le verset 23. Luc, chapitre 11, verset 1 à 13. Luc chapitre 11, verset 1 à 13. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 1 à 8. Maintenant, je crois que c'est bien pour qu'on puisse commencer maintenant. D'accord? Quand le Seigneur annonce la pluie, comme il a annoncé dans ce livre d'Osée, il dit Jean chapitre 14, verset 12 à 13, chapitre 15, verset 1 à 7, puis le verset 23. C'est pas ce qu'il dit. Si vous regardez la Bible, et vous voyez ce qui est déposé pour la Bible comme promesse, et vous voyez la réalité, vous allez voir effectivement qu'on a des problèmes. La première chose, c'est vous devez arriver à un carrefour où vous devez admettre que Dieu, lui, il est vrai, nous avons des problèmes. C'est-à-dire, si vous prenez la Bible, vous êtes honnête envers vous-même. Vous regardez la Bible comme ça. Vous regardez Matthieu chapitre 7, le verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car on donne à celui qui demande, on donne à celui qui cherche, et on ouvre à celui qui frappe. Vous regardez ça, vous êtes honnête, vous allez voir que nous avons le problème. On regarde dans le passé, comme nous voyons dans le cadre de Genèse, chapitre 50, Esaïe 58, où le Seigneur disait, si on fait telle chose, ceci va arriver. Nous commençons à voir que nous avons des problèmes. Et si nous voyons que nous avons des problèmes, il faudra essayer de résoudre ces problèmes-là. Ou mieux encore, il faut se résoudre de résoudre ces problèmes-là rapidement pour que ces choses soient réelles. D'accord? Amen. Le réveil n'est pas possible avec l'incrédulité. Notez. Le réveil n'est pas possible avec l'incrédulité. Le réveil n'est pas possible avec l'incrédulité. Ici consiste donc, nous sommes donc dans la phase du processus de travail que l'Église doit faire avant que la pluie ne vienne sur elle. Nous attendons cette pluie. Le bruit se fait annoncer en haut là-bas, un bruit de pluie. Ça se fait annoncer en haut. N'attendez pas que la pluie commence avant que vous allez commencer à bêcher. Tournez vos champs. Vous avez les petits le sol. Tout pour tourner. Quand avant d'attendre la pluie, on travaille d'abord ce champ-là. Sinon, si vous laissez ça comme ça, quand la pluie va tomber, les herbes qui étaient là-bas vont pousser et la terre n'est pas ferme. On tourne la terre pour que l'oxygène y soit. Pas vrai, frère? La terre est remuée. D'abord, vous tournez de ça dessous. Les herbes qui étaient là-bas dessus meurent maintenant et puis pourrissent pour devenir encore le manioc. Vous appelez ça comment en français? Le mus, c'est une chose qui va fertiliser plus tard encore le sol. Donc il faut se préparer pour cela. Maintenant, il y a un problème ici. Le problème c'est, sommes-nous véritablement les croyants des saintes écritures telles que la Bible dit? Si c'est oui, la Bible est fausse. Si c'est non, nous avons un problème. Si c'est oui, la Bible est fausse dans ce sens que les expériences que nous disons comme croyants et ce que la Bible déclare que les croyants doivent faire, nous ne parviendrons pas à faire. Donc dans ce cas, c'est la Bible qui sera en train de mentir. Si c'est non, ça veut dire que c'est nous qui avons des problèmes. Ça suppose donc que nous, qui nous disons croyants, quelque chose dont ne va pas avec notre croyance. La principale de cette chose ici, c'est l'incrédulité. On va donc détacher l'incrédulité donc sur toutes ses formes. Vous y êtes, frère? Amen. Voilà. Ouvrez le livre de Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17. Vous remarquez que ceci n'est pas donné ça quand vous allez travailler dans cette liste-là, non? Matthieu, chapitre 17. Maintenant, lorsque vous ouvrez Matthieu, chapitre 17, vous vous rendez compte que quelque chose va se passer dans cet événement. Le Seigneur Jésus monte sur la montagne, il passe la nuit avec trois de ses disciples, Jean, Pierre et Jacques. Il prie, il descend le matin. C'est ce que vous appelez la transfiguration, d'accord? Quelque chose se passe donc à la transfiguration. Et il descend le matin. Souvenez-vous, ils sont 12 disciples, les apôtres qui le suivent. Il a pris trois avec qui il est monté. Il finit de prier, aidez-le à trouver Matthieu. Lorsqu'il descend le matin, les disciples sont en intercation avec une situation. Un papa qui avait son enfant qui souffrait. Un papa qui avait son enfant qui souffrait a amené son enfant qui était lunatique aux disciples du Seigneur. Parce que le Seigneur était dans la prière avec ses disciples pour lui révéler quelque chose. Et quand ils descendent, donc ils sont en traversée des champs. Allons-y, les trouver d'abord. Verset 17. Papa, saute, tu peux nous lire? Verset 17 en descendant. 6 jours après, Jésus. Non. C'est au chapitre 17, verset 1. Ah, allons-y directement. Il a raconté l'histoire pourquoi on n'est plus à lire. Okay. Allons-y, verset 17 en descendant. Verset 17. Race d'incrédules et pervers. Souligné. Pourquoi Jésus, notre Seigneur, parle de race d'incrédules et pervers? Pourquoi? Quelque chose s'est passé un peu plus haut, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Amen. Remontons plus haut pour voir ce que. Regardez bien ce que Jésus dit. Ce n'est pas une insulte. Si on me dit que je suis court, il ne peut pas dire que tu me dis que je suis court. Ce n'est pas vrai, frère. Je suis comment? L'insulte serait quand je serais court, tu vas me dire que mais le gars, si tu es géant, hein, tu es grand détail. Et quand tu peux même faire 2 mètres, là, il va te dire que tu te moques vraiment de moi. Quand tu dis je suis court, je suis vraiment court, ça ne change pas la situation. Parce qu'il ne sait pas ce que passe au mince. Tu es costaud là-bas comme la Martha Guinness. Je l'ai insulté, frère. Est-ce que tu es insulté? Quand tu me dis que je suis court, tu m'as insulté, frère? Non. Ah, alors maintenant, quand le Seigneur Jésus dit race quoi? Race incrédule et perverse. Race incrédule et perverse. Pourquoi et comment le Seigneur a pu faire pour déceler en eux l'incrédulité? Remettons non plus au pouvoir. Verset 10, prenons verset 10 en descendant. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disaient-ils qu'Élie doit venir premièrement? Là, ils sont allés traverser les herbes mouillées en traversant pour revenir, n'est-ce pas? Continuons. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit... Il a coloré, vous avez venu premièrement pour établir toutes choses. Mmh. Mais il est déjà venu, ils l'ont pas reconnu, ils l'ont traité comme le psalm qui est écrit depuis. Continuons, commençons maintenant. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit... Écoutez très attentivement. Seigneur, oui. Aie pitié de mon fils. Stop. Donc, Jésus parlait avec ses disciples, les trois disciples qui sont sortis de la communion. Lorsqu'il arrive, un homme sort de la foule. Gardez bien ceci. Un homme sort de la foule, vient se jeter à ses pieds. Il appelle comment? Seigneur. Aie pitié. Aie pitié de mon fils. Séverin dit qu'il reconnaît en celui-ci quoi? D'être Seigneur. Là, c'est quoi le Seigneur? Quand tu appelles quelqu'un Seigneur, c'est quoi? C'est une chose de freiner chaque fois que vous voyez la portée de nos prières. Que c'est une chose terrible que de prier Dieu sans s'attendre à ce qu'il réponde. C'est de l'incrédulité terrible. Vous voyez cela? Si tu sais que, tu ne parles, que ton cœur n'est pas admis de tel enseigne que si tu pries, c'est ce que je vais recevoir. N'allez pas prier. Ça va vous créer des problèmes avec le Seigneur. Maintenant, ce monsieur qui vient devant le Seigneur, il dit Seigneur, il se jette à ses pieds. Donc, il se rabaisse. Il appelle Seigneur pour dire qu'il est souverain. Puis il dit, allons-y. Aie pitié de mon fils. Aie pitié de mon fils. Donc, ça veut dire qu'il sait que c'est lui la source des solutions. C'est lui qui peut apporter la solution à son fils. Amen. Ça veut dire que cet homme-ci a besoin qu'on l'aide. Cet homme-ci, ça part, c'est son fils qui était problème. Nous, quand nous allons devant le Seigneur, chacun a un sujet qu'il adresse devant le Seigneur. Amen. D'accord, frère? Amen. Et nous allons devant le Seigneur. Nous l'appelons Père. Vous entendez ça? Nous l'appelons Père. Et un Père ne refusera pas sur la terre, comme Jésus a dit dans Luc chapitre 11, verset 2. Il ne peut pas lui donner du serpent s'il lui demande du poisson. Il ne peut pas lui donner quoi? Le scorpion s'il lui demande quoi? Alors, et il a dit que, et votre Père céleste, pas vrai? Donc quand il dit Père, c'est-à-dire qu'il invoque celui-là qui est plein d'amour et qui prend soin de moi. Maintenant, celui-ci dit Seigneur, il a un besoin. C'est son fils qui a le problème. Continuons, frère. Aie pitié de mon fils oui. qui est lunatique. Qui? Le fils a quoi? Il est lunatique. Lunatique. Ça veut dire qu'il tombe, c'est les enfants. Il tombe comme les poules du marché là. Oui. Et qui souffre cruellement. Oui. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. C'est pour ça que vous allez voir des êtres humains comme ça, ça t'a tellement détruit. Vous voyez quelqu'un qui a le feu, l'eau a brûlé ici. Vous voyez effectivement, parce que la personne quand elle tombe, l'eau brûle. Parce que son corps à l'intérieur est emprisonné. Emprisonné. Au point où il peut mettre la main là, s'il y en a des faire une rupture. Et ces choses arrivent seulement quand ils font des choses comme ça. Pourquoi ça brûle? Parce que Satan veut le défigurer. Vous voyez cela? Vous voyez quelqu'un tomber dans l'huile. Il a de faire frire quelque chose. Il tombe dans l'huile. L'huile commence à brûler. Chouang, son corps ça brûle. Là où ça brûle, défiguré. La personne dort. Quand on va le soigner, la personne sort. Tout le corps est défiguré. Voilà ce que Satan peut faire. Continue. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Gardez de souligner, ils n'ont pas pu le guérir. Oui. Maintenant, suivez maintenant ce que le maître va dire. Maintenant, regardez bien ce que le monsieur a dit. D'abord, un, je vous ai d'abord demandé de souligner la partie où il a dit Seigneur, aie pitié de mon fils. Il s'est jeté à terre. Donc, il a reconnu la souveraineté du Seigneur, n'est-ce pas? Il dit maintenant, il accuse maintenant ses disciples. Que ses disciples n'ont pas pu. Que les disciples n'ont pas pu guérir. En fait, c'est vrai. Les disciples étaient là, l'enfant était là. Ils ont passé la nuit de prière là-bas. Ça n'a pas marché. Maintenant, ils n'ont pas pu le guérir. Mais regardez ce qu'il dit à Jésus. Regardez encore ce qu'il dit à Jésus. Allons-y. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Oui. Et c'est Jésus qui répond. Oui. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et regarde, tu sais, tu viens de le lire. Le frère a demandé, regardez, demande s'il lit, il dit qu'il suit. Voici la Bible qui est ouverte dans lui. Il dit que non. C'est papa sauf qu'il lit ce qui est bien. Lis alors bien, frère. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Oui. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Oui. Amenez-le-moi ici. Oui. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Oui. Maintenant, allons dans l'événement, gardez le doigt ici. Allons dans Marc chapitre 9. Ne fermez pas, d'accord? Allez dans Marc chapitre 9. Donc, l'événement qui est raconté dans ce livre de Luc, de ce livre de Matthieu, je veux que vous voyez quelque chose. Cet événement, ce qui est raconté dans ce livre de Matthieu, chapitre 17, est repris dans le livre de Marc, au chapitre 9, à partir du verset 14. Qu'est-ce qu'on dit? Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui disputaient avec eux. Oui. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Oui. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Stop. Là, on l'a commencé comment? On l'a appelé comment? Lunatique. Ici, on dit quoi? Oui. Qu'allons-y? En quelques lieux, qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. Donc ici on développe encore que le papa a dit que quand l'esprit qui le saisit, d'accord, quand ça le jette, il fait quoi? Il le jette par terre. Oui. L'enfant écume. Oui. Grince des dents. Oui. Et devient tout raide. Tout raide. Donc on a donné les caractéristiques de ce que l'esprit l'a fait quand il est en... Allons-y. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Oui. Et ils n'ont pas pu. Oui. Race incrédule. Stop. Allons, cette fois-ci, tu es où là, frère? 19, verset 19. Oui. Maintenant, ouvrons cette fois-ci le livre de Luc. Chapitre 9 toujours. Savez-vous pourquoi Jean ne vous fait cette navigation? Non. Allons-y, verset 29, je crois. Verset 29. Allons-y. Verset 29. C'est la transfiguration là. Ah bah. Il dit à partir du verset 29, il me dit que c'est la transfiguration. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, oui, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Oui. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. Mmh. C'était Moïse et Élie, mmh, qui, apparaissant dans la gloire, mmh, parlaient de son départ qu'ils allaient accomplir à Jérusalem. Oui. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Oui. Mais étant... Allons-y rapidement au verset 30, à partir du verset 37. Rapidement. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au devant de Jésus. Mmh. Et voici, au milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car... c'est mon fils unique. Mm-hmm. Donc cette fois-ci, on dit que c'est un fils unique. On comprend pourquoi il avait la haine pour pouvoir sauver ses fils, c'est pas vrai? Amen. Continuons. Un esprit le saisit et aussitôt il poussa des cris. Mm. Et l'esprit l'agite. Et aussitôt il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence et le fait écumer. Et à la peine de se retirer. De la peine de se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Donc, on dit que si c'est dans l'église, on dit que non, il était rempli du Saint-Esprit. Amen. Continuons. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Mm. Race incrédule et perverse. Oui. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous, oui, et vous supporterai-je? Oui. Amène ici ton fils. Oui. Comme il approchait, le démon le jeta par terre, oui, et l'agita avec violence. Oui. Mais Jésus menaça l'esprit impur, oui, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Amen. Maintenant, on revient maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Vous avez vu ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Regardez que de façon unanime, Jésus a dit dans les trois passages, race, c'est toi qui a contaminé papa, sauf il voulait lui dire grâce incroyable, tu as dit viper, il a même pas pris viper. Ok, revenons dans le livre de Matthieu chapitre 17 où nous étions, d'accord? Maintenant, lisons encore ce que le Seigneur va leur dire. Race incrédule et perverse. Oui. Répondit Jésus. Oui. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Oui. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Oui. Amenez-le-moi ici. Oui. Jésus pria parla sévèrement au démon, oui, qui sortit de lui. Oui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Oui. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, oui, et lui dirent en particulier, oui, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Stop. Alors vous remarquez effectivement que dans les deux autres évangiles, vous n'avez pas trouvé jusqu'à la réponse même de Matthieu chapitre 21, chapitre 17, verset 21 qu'on va trouver maintenant. Ceci, c'est un enseignement. La question que j'ai posée de leur part, pourquoi Jésus les a dit race incrédule et perverse? Pourquoi le Seigneur parle race incrédule et perverse? Jusqu'à quand vous supporterez? Jusqu'à quand serai-je parmi vous? Vous pensez que je serai toujours là pour faire ce travail ici? Race incrédule et parce que ça vient à la suite du fait qu'ils ont pris des disciples qu'ils n'ont pas pu chasser. Ok, il accuse les disciples, n'est-ce pas? Lui, il a fait quoi pour ça? Lui, il a fait quoi? Jésus dit race incrédule et maintenant suivons donc ce que Jésus va dire. Donc, en particulier, pendant ce temps, Thomas fait comme ça que on a crié jusqu'à avant de ne pas sortir. Pas. Il demande quoi, Jésus? Maître, pourquoi? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Maintenant, arrange-y doucement. Si vous lisez Matthieu chapitre 10, si vous vous souvenez, parce que là, nous trouvons au chapitre 17. Si vous lisez Matthieu chapitre 10, vous allez remarquer à partir du verset 1 jusqu'au verset 8 que le Seigneur Jésus va les choisir deux à deux. La Bible déclare qu'il va leur donner pouvoir et force d'aller prêcher la bonne nouvelle et d'annoncer. Il dit guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts. Pas vrai? allez annoncer, n'allez pas dans la ville des Samaritains, ni chez les, pas chez les païens. Allez vers les brebis de la maison d'Israël. Quand vous entendez, dites, le royaume de Dieu est descendu aux oiseaux. Il dit, guérissez les malades, faites ceci. Donc, en annonce de la bonne nouvelle, faites ces miracles qu'il leur avait donné. Pas vrai? Amen. Maintenant, ça c'est le chapitre 10. Au chapitre 17, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ce qu'il faut qu'on réponde. Allons-y. C'est à cause de votre incrédulité. Stop, soulignez. Maintenant, ça veut dire qu'on a un problème. On a un problème. On a un problème, un vrai problème ici maintenant. Donc, je repose encore, je veux toute votre attention. Le Seigneur a-t-il donné force et pouvoir aux disciples de faire ce travail? Qu'est-ce qui a empêché le pouvoir de se déployer? L'incrédulité. Je veux que vous me définissiez ce que donc c'est que l'incrédulité. Ah. Selon quoi l'incrédulité? Ça, ces choses, il faut que je m'arrête pour parler, pour que nous puissions sachoir quels sont les problèmes que nous avons. D'accord? Les disciples, il y en avait trois qui étaient avec le Seigneur Jésus. Il parlait de l'embrouille que les prédicateurs ont aussi amené sur Élie, Élisée, avant Élie, Jean-Baptiste. Puis quand il descend, il y a un autre événement qui se passe sur la terre. C'est que les gens, tout le monde était comme ça. Qu'ils ont crié, crié, crié, tout. Pas vrai? Maintenant, c'est quoi l'incrédulité quand on en le voit là-bas? Parce que là-bas, en haut, il a dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je parmi vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous voyez cela? Ça dit que l'incrédulité fait du mal au Seigneur. Souvenez-vous de ceci, c'est qu'il leur a d'abord donné le pouvoir. Si l'événement s'y venait après, on pouvait croire que non, c'est parce que peut-être Jésus leur a donné le pouvoir. Ils sont partis, ils ont expérimenté cela. Vous suivez ça? Vous me suivez, frère? Amen. Ici, quelque chose s'est passé. Jésus dit que c'est à cause de votre incrédulité. Puis il avance quelque chose. Verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Vous ne m'avez pas répondu à la question. Je veux que vous lisez avant qu'il revienne sur ma question. Verset 21. Mais entouré. Vous remarquez, non? Donc, un, ils ont posé une question claire au Seigneur Jésus. Pourquoi n'avons-nous pas chassé cet esprit? Le Seigneur répond, un, c'est à cause de votre incrédulité. Deux, mais stop, ne lisez pas la suite. Nous parlons de l'église et de la restauration, de cette pluie-là qui va descendre. Qu'on fasse attention. Maître, oui, tu nous as donné le pouvoir. Regardez bien. Ouvrez Matthieu chapitre 10. Voyons l'ordre d'envoi. Matthieu chapitre 10. Ne fermez pas ici parce qu'on va y revenir. Matthieu, le chapitre 10. Le verset 4. Patan, tu peux nous lire le verset 4. C'est 4. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, oui. Celui qui livra Jésus. Voilà, on le connaît. Verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya, oui. Après leur avoir donné les instructions suivantes. Oui. N'allez pas vers les païens, oui. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Oui. Allez plutôt vers les brebis égarées, non perdues, de la maison d'Israël. Oui. Allez. Un. Prêchez. Deux. Et dites. Voici le contenu du message. Oui. Le royaume des cieux est proche. Pendant que vous allez faire cela. Guérissez les malades. Un. Ressuscitez les morts. Deux. Purifiez les lépreux. Trois. Chassez les démons. Vous entendez ça, frère? Chassez? Les démons. Les démons. Maintenant, tout le point, regarde ton voisin. Dis qu'il y a démons et démons. Voilà. Donc, nous voyons clairement ici. Et puis, il dit, vous avez reçu. Gratuitement donné quoi? Vous avez reçu gratuitement donné gratuitement. Donc il n'y a pas de guérison qu'on paye. En disant que je suis en train de payer le livre aussi pour soutenir le ministère. Mais au-dessus, c'est parce qu'il y a la guérison. D'accord? Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ répond à la question, retenons donc, nous avons vu effectivement comment il a donné force et pouvoir. Donc ça veut dire que c'est le chassage des démons ou le chassement des démons était contenu dans le ministère. Pas vrai? Ok. Ils sont allés effectivement, ils ont fait. Maintenant, rentrons au chapitre 17. Versets 20 et 21 encore. Qu'est-ce que ça dit ici? Verset 20 et 21 du chapitre 17 de Matthieu. Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Oui. Leur dit Jésus. Oui. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Stop. C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Donc, n'essayez pas de voir le contre de l'incrédulité comme il faut que j'aie une grande foi. Il y a un déclic. Un déclic seulement. Un déclic. Le grain de sénévé, c'est quoi? Une petite sémence. Petite sémence. Comme petite par exemple quoi? La graine de riz. Vous avez vu les graines de riz? Vous avez les graines de riz, n'est-ce pas? C'est plus petit que les graines de sésame. Donc, voilà, comme le sésame. Ok, maintenant, prenez donc ça. Donc, la quantité de fois que Dieu veut pour que tu travailles, ça doit être comme ça. Alors, je pose la question. Ceux-ci, quand ils sont allés au chapitre 10, là, ils travaillent avec quoi? Avec la foi, la parole. Avec la foi, là. La parole. Et s'ils ont chargé comment? Tu penses qu'ils n'ont pas, ils sont pas souvenus? On avait guéri quelqu'un comment au nom de Jésus. Sors! Ils ne sont pas. N'est-ce pas, frère? Ok. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mais je vous le dis en vérité. Regardez bien. Ça va pour réparer cela. C'est à cause de votre incrédulité. Donc, ils ont l'incrédulité. Il faut donc savoir ce que c'est que l'incrédulité. Sinon, tu peux l'avoir sans savoir. Alors, les disciples étaient face à l'action. Ils étaient incrédules sans savoir. Donc, tu peux être incrédule, tu pries même et tu pries fort. C'est pas ça, frère. Si Jésus a passé toute la nuit là-bas à prier, ils étaient en bande, il fait quoi? En train de prier, pas vrai? Il priait, non? Ça a marché. Jésus dit que non, c'est pas le fait que je n'ai pas entendu la prière, c'est parce que vous n'y croyez pas. C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Mais moi, je vous le dis en vérité, si vous aviez foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi là et jette-toi dans la mer et cela vous sera accompli. Mais, cette catégorie de démons-ci ne sortent que par les jeunes. Et là, donc en réalité, le Seigneur leur avait donné le pouvoir de la chasser des démons. Mais le ministère des jeûnes et des prières n'avait pas commencé avec eux. Vous voyez cela? Ça veut dire qu'au-delà d'incrédulité, il y avait le fait qu'ils ne jeûnaient pas. Parce que les gens étaient venus se plaindre. Que tes gars ne font que manger. Nous observons le jeûne, ils ne mangent pas. Ils comptent sur toi. Et donc maintenant, lorsqu'ils sont arrivés à un démon où il faut jeûner, est-ce qu'ils pouvaient chasser? Voilà, maintenant quand Jésus va partir, ils vont devoir chasser. Parce qu'ils vont aussi ajouter à la fois quoi? Le jeûne. Parce que Jésus a dit que les amis, les poux peuvent aussi jeûner quand l'époux est présent. Quand l'époux sera, le jour viendra où l'époux sera ôté, alors ils gêneront. Donc c'est vrai, on dit que le ministère, pour pouvoir servir dans ces différentes dimensions, il faut les jeûnes et les prières. Jésus vient de dire, ces gens de jeûne, les problèmes, vous n'avez pas pu faire ça. C'est vrai qu'il y a l'incrédulité, mais il fallait jeûner et prier. Les gars jeûnent, pointe quelqu'un. Dis, ne jeûne pas. Tu crois qu'il suffit de tendre la main sur quelqu'un guéri? Ces genre de choses, ça peut amener à tout genre de frustration. Je vais vous raconter, c'est l'autre jour que mon épouse parlait de cela encore. Une année, lorsque nous travaillions encore chez mon beau-père là-bas, il suis resté là-bas. Un frère que je connaissais qui était converti depuis et qui était quelque part, il y avait un de ces, je ne sais pas quelle relation ils avaient cette famille, il y avait un jeune garçon comme celui-ci, comme ça. Il était dans cette maison, il y habitait. Il est devenu subitement fou, étant en classe de 3e. Il est devenu fou au point où on l'a amené à l'hôpital à Quintine là-bas, on l'a enfermé. Apparemment, il y a des zones là-bas où on ferme le fou. Même étant là-bas, il a menacé le fou là-bas parce que mon gars dit, ça part de folie là, il dérange la place. On a demandé à la famille de venir l'amener hors de là-bas parce qu'il dérangeait le fou. Même le fou disait que mais t'as pas de folie ici, t'as pas de folie, tu ne te calmes pas. On l'a amené sur, vous savez, vous êtes à PK8, vous descendez comme ça. PK8, la vallée qui descend là pour remonter là. Non, pas PK8. Vous venez de Lokbaba pour descendre là-bas, la petite vallée là. C'est là quelque part. Oui, c'est Thomas, dans cette zone-là. Vous savez vos seins là aussi. Voilà. Alors, je suis en train de causer avec mon épouse à la maison. Subitement, une voiture garde dehors. C'est un avocat. Le garçon sort de la voiture, il entre. Il dit, frère, Dieu a dit que tu viens prier pour cet enfant. Il dit, je suis resté, ma part est venue. Il dit, assieds-toi et s'assois. Vous connaissez chez mon beau-parent là-bas. Alors, je m'assois, je suis en train de regarder si c'est vraiment Dieu qui a parlé que je vais là-bas. On est en train de causer, je suis en train de prier pour savoir jusqu'à ce que j'ai le OK. Quand j'ai le OK, j'ai dit OK, entre dans la voiture. Je suis allé avec le short tel que là. On est arrivé avec mon épouse. On est entré là-bas. Je suis entré aller m'asseoir. Et le garçon était, on avait la fermeture de pot parce qu'il cassait tout à la maison. Tout. Les frères étaient là. Ils avaient là prié jusqu'à ce que la voix, vous savez, quand vous priez pour longtemps, la voix fait. Était là. Je suis allé entrer. Je me suis assis calmement. Il était là. Je suis allé parler ici à cause de l'incrédulité. Il y avait un là qui était assis à côté du parent du garçon qui faisait. Quand je suis entré, il était en train de parler à la dame. Là, il dit, le genre de démon, c'est trop puissant. Même le frère, je ne peux rien contrôler. Là, il faut beaucoup d'onction. Il faut beaucoup d'onction pour le faire. Je tombe là, j'observais le garçon. Le garçon fait, il vient, il te regarde, il fait comme ça, il tire là-bas. Il dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu fais quoi ça là-bas? Il fait, il part, il casse l'ampoule, il enlève l'ampoule, il casse. On avait enlevé tout dans la maison. Alors j'ai attendu jusqu'à ce que la direction soit donnée. Quand la direction a été donnée, j'ai demandé au frère qui était là-bas que vous trois, mettez-vous à côté de lui. Tendez la main, priez. On a prié. Plus on priait, plus son corps s'est calmé. Plus on priait, plus son corps s'est calmé. Après, il dit, laissez-le, laissez-le. Il dit, jeune garçon, si tu me regardes, lève-toi. Il dit, lève-toi. Va te laver. Il a laissé laver. Écoutez bien. Il a laissé laver. Il dit, va te laver. Habille-toi et viens. Il a laissé laver. Il est venu. Et s'est assis en cause. C'était un scandale. C'était un scandale. Et puis maintenant, le Saint-Esprit lui montre que la personne qui lui procurait, c'est son grand-père, il est à Garoua. Donc pendant que les gens priaient ici sans direction, la personne manipulait sa photo comme ça, avec la magie. Prenez les sédatifs, là, vous mettez dans le sang. Vous mettez, vous injectez comme les médecins savent faire. Quand vous injectez, ça va le calmer là-bas, mais son âme n'est pas calme. Quand l'effet va finir, il va continuer à faire ce qu'il a de faire. Beaucoup de personnes qui sont dans la folie, qui sont attachées là-bas comme ça, ont des problèmes d'ordre spirituel. Vous voyez cela? Je n'ai pas dit que vous allez ramasser les fous pour m'amener. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit pour lui, il y avait telle direction. Mais je vais vous parler de l'incrédulité. Cette personne qui se tient à côté de la maman de cet enfant en disant, celui-ci, même le démon là, le démon là est vraiment puissant. Lui, il s'appelle prophète des nations. Il dit qu'il est prophète des... Dieu l'a établi sur toutes les nations. C'est comme ça qu'il est. Mais il est là, il a été découragé les gens qui sont en train de prier. Or, maintenant, la chose qui a manqué ici, c'est pas parce que les gens ne croyaient pas, parce qu'ils savent qu'on doit chasser les démons. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec au nom de Jésus qui sort? Parce qu'il manquait une direction. Ceci de la Bible qu'on voyait manquait la direction. La direction, c'est que s'il savait effectivement qu'il y a des confrontations, que pour, avant d'aller les rencontrer, il faut d'abord au préalable gêner. Ça ne veut pas dire que lorsque vous voyez un démon, on dit qu'on apporte un prière pour que vous priez pour lui. Attendez, il n'y a pas de gêner. Je parle maintenant, je ne me prive de nourriture, je jeûne. Ce n'est pas ça notre question. C'est un style de vie. Maintenant, si vous lisez le livre de Luc, chapitre 6, vous allez remarquer effectivement que Jésus, après avoir choisi ses disciples, avant de choisir les disciples, il a passé toute une nuit dans le jeûne et dans la prière. Quand il est choisi, donc son choix des disciples, avant de choisir, il passait du temps dans le jeûne et la prière. Regardez les apôtres dans le Acte, chapitre 3, enfin, chapitre 13, chapitre 14. Quand il voulait choisir quelqu'un, il entrait dans le jeûne, il priait avant de le faire. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quelqu'un s'élève au Jésus comme ça. Qui va courir de ta touche, tu cours, tu dis achète le livre, achète. Que va te marier, d'autres courent, ils peuvent signer l'acte parce qu'on ne peut pas consacrer un évêque qui n'est pas marié. On fait maintenant, on dit que c'est la cérémonie de sortie. Dieu, c'est toi qui choisis. Vous pensez que Dieu est derrière, vous allez rester n'importe quoi, Dieu n'est pas là-bas. Parce qu'il a un modèle qu'il a de suivre. Alors ici, le Seigneur Jésus fait acte du fait que les disciples sont dans l'incrédulité. J'aimerais bien qu'on s'attelle sur le problème d'incrédulité d'abord avant d'avancer. Parce que c'est ici le blocage de toute autre chose. C'est donc quoi, quand vous lisez la Bible, l'incrédulité? L'incrédulité, donc, c'est-à-dire ces choses qui empêchent Dieu d'agir vers nous. C'est quoi? Souvenez-vous de ceci. Quel est le matériel le plus dur sur la terre? Le diamant. Quand vous êtes incrédule, l'accès à vous est difficile exactement comme le diamant. Quand vous êtes incrédule, il y a un mur en ténèbres, des ténèbres, tout autour de vous. Quand vous êtes incrédule. Quand vous êtes incrédule, il y a un mur de ténèbres tout autour de vous qui empêche l'accès de la lumière. Les épaisses ténèbres. C'est quoi l'incrédulité? Donc l'incrédulité, c'est le principal obstacle qui amène ou empêche la manifestation de Dieu dans la vie des croyants, au travers des croyants. Le principal. Le problème donc des péchés peuvent se résoudre facilement. C'est-à-dire le problème des différentes exactions. Si on pose que tu mens, tu peux dire que okay, j'arrive de mentir. Tu peux faire tes choses avec ça. L'incrédulité, si, c'est le problème numéro un. Il faut que ceci soit résolu. Vous suivez, n'est-ce pas? Amen. On y va. Vous avez moi? Oui, frère. L'incrédulité est un peu comme quand on dit qu'on va changer pendant qu'on est dit, quand un événement arrive, tu voulais savoir pourquoi on fait d'avoir ça. Oui. Et pour gens comme ça, là, ils pourraient faire des événements pour mettre de l'action. Donc, oui. Bon, toi qui te passes à lui maintenant, à quel moment tu es incrédule? À quel moment tu es incrédule? Oui. En fait, quand je ne dis pas de dire, l'esprit m'est donné. Donc, dès qu'on me dit de faire parce que j'ai confiance dans votre ministère, je fais sans poser des questions. Bien sûr. Lève ton frère, je vais te poser des questions. Là où tu es, si tu donnes un éléphant que tu mets au frigo, tu fais quoi? Un éléphant que tu mets au frigo. Oui. Ne riez pas, nous sommes en train de travailler, frère. Si tu donnes un éléphant que tu mets au frigo, qu'est-ce que tu fais? Ouais. J'ai posé la question simple. Vous voyez qu'il dit qu'il comprend que je vais le prouver. Il dit que je te donne un éléphant, que tu le mets au frigo, qu'est-ce que tu fais? Et quand on parle que tu veux m'exprimer, tu fais quoi? La question qui est posée, c'est que tu fais quoi? Tu vas lui dire quoi? Qu'est-ce que tu ne parles pas comme ça? Un frère, je te donne l'éléphant que tu mets au frigo. Comment tu vas faire comment? Après, c'est moi. Après, sa position est déjà écrite. Laissez-le tranquille. Son cœur, c'est votre cœur. Un frère, qu'est-ce que tu vas faire? Réponse seulement d'abord. Tu fais quoi? Vous avez vu? Pourtant, il t'a dit que tu fasses quoi? Tu es incrédule ou tu n'es pas incrédule? Hein, frère? Comment tu t'assois encore? Parce que toi qui me poses la question de mettre l'éléphant au frigo, tu n'es pas bête. Mais avant de demander à cela que je le mette au frigo, en fait, je ne sais pas. Oui. Là, je ne sais pas. Je comprends. Ça ne peut pas aller au frigo. Non, ça ne peut pas aller au frigo. Ouvre ta Bible maintenant, on va voir. Vous voyez, c'est ici qu'on devait arriver. Jean chapitre 14. Ouvrez, je vous ai donné ça tout à l'heure. Donc il dit qu'il veut le rendre bête. Parce que moi, il sait très bien que le téléphone ne peut pas entrer au frigo. Bon, frère Roméo, je reviens du marché. J'ai coupé une viande d'éléphant. Je te donne cette viande d'éléphant que je mets au frigo. Tu vas faire comment? Il t'a demandé de découper. C'est ce qu'il t'a demandé que tu mets au frigo. C'est compliqué, frère. Ouais, c'est juste qu'il a dit qu'il se met à découper. Est-ce qu'il a dit que je lui donne la viande avec le couteau? Je lui ai demandé de couper. Non, ce sont ces choses. Je sens de prendre vous riez. Ce sont ces choses qui font avant. Regardez bien ce qu'il va lire maintenant. Ouvre le verset 12 de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 12. Oui. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Regarde-moi. Tu crois ça? Tu crois ces passages-là? Oui, effectivement. Il sait effectivement qu'après ça, il y a une question. Oui, il sait que. Tu sais qu'il y a une question après cette question qu'il vient de poser, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il évite de répondre à la première. Parce qu'il va dire forcément qu'il croit. S'il dit qu'il croit, je vais poser une autre question qui va être difficile. S'il dit maintenant qu'il ne croit pas, c'est que ça veut dire qu'il a une crédulité. Donc il reste lui neutre. c'est pour ça qu'il ne répond pas. Frère, tu crois, oui ou non, à ça? Il ne parvient pas à bien croire. Ferme la Bible, tu t'assois, frère. C'est donc ça, cette épreuve de prendre l'éléphant, mettre au frigo. À moins que vous n'abandonnez votre personnalité entre les mains du Saint-Esprit, il ne peut pas entrer en action et jouer avec vous dans le ministère spirituel. À moins que ne vous abandonnez pas votre faculté entre ses mains. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous devez abandonner votre faculté entre ses mains. Sinon, vous allez avoir des possibilités, des impossibilités comme les prophètes en ont eu. Moïse, Père, est-ce que c'est moi qui engendre ce peuple? S'il demande de la viande. Il demande de la viande. Ok, va le dire ainsi par l'Éternel. Il va manger la viande 2 jours, c'est ça, frère? Hein? Combien? Il va manger la viande combien de jours? 30 jours. Je lui ai dit qu'ils ne vont pas manger, non pas c'est 1 jour, ni 2, ni 3, ni 4. Mais 30 jours. Quand il a dit comme ça, Moïse est sorti de la prière. Guettait à l'Orient. Il a vu le désert. Guettait de ce côté-ci. Moïse qui est en train de parler en leur faveur. Guettait comme cela. Après, il regarde derrière. Il voit seulement le camp d'Israël. Il lit le viande. 1 jour, 2 jours. Ils sont plus de 2 millions. Moïse s'est tourné vers Dieu. Il dit, ne me dis pas que j'annonce quelque chose là. Vous pensez qu'est-ce que Moïse est en train de faire? Parce que les choses qu'il est en train d'annoncer là. Annonce, il y aura changement de gouvernement. Changement de gouvernement. 20 partis politiques sont allés à sa solde. Il s'est encore présenté alors qu'il ne devait pas se présenter. Il a l'armée tout ça avec lui. Il a tout ça avec lui. Il y aura changement de gouvernement. Vous voyez cela? Qu'est-ce qu'il fait? Seigneur, merci, monsieur le président, pour faire ce choix. Merci pour ce choix. Au revoir. Je ne veux pas dire quelque chose. Mes enfants, que mes enfants soient protégés. Il y aura. Allez jusqu'au bout. Prenez ceci, mettez. C'est R. La partie des flammes est appelée à disparaître. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Vous avez ça, hein? Disparaître comment? Tous sont derrière. Disparaître comment? La partie des flammes disparaîtra. Comme l'ancienne partie est partie. Comment ça va faire pour disparaître? Écoutez, mon rôle, c'est d'annoncer. Le reste, je ne sais pas comment ça va se passer. Où est-ce là? Donc, pourquoi? Parce que j'ai vu ce que mes grands frères ont fait dans la Bible. Quand ils ont vu que Moïse a été tenu, quelqu'un lui a parlé. Il a dit que, va dire qu'ils vont manger 30 jours. Il s'est dit que s'il annonce là-bas, tu connais bien les gars là. Si le premier jour, il n'y a pas la viande, je suis mort aussi dans le désert. Le premier jour, si la viande ne sort pas là-bas, je suis mort dans le désert. Il a commencé à poser à Dieu que ton équation là, tu vas résoudre ça. Comment? Tu vas sortir les viandes ou que ça va venir pendant 30 jours. Parce que même s'il faut élever les bœufs là maintenant, le nombre de bœufs qu'on va élever pour qu'on mange pendant 30 jours ne suffira pas pour ces bœufs. Dieu dit qu'il y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? N'est-ce pas, frère? Le prophète doit savoir qu'il n'y a rien qui est impossible. C'est pour ça que quand je dis que je ne veux pas savoir ce que l'événement a de raconter, je ne veux pas savoir ce que l'événement a de raconter. Parce que ça, dans cet événement que Dieu se glorifie. Je dis seulement, sinon comment peux-tu aller vers quelqu'un? Tu dis, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe, sans connaître la personne. Sinon, comment vous pouvez faire cela? Vous devez savoir que quelque chose est en train de suggérer cela. Que quelque chose est en train de suggérer. Où est-ce là, n'est-ce pas? Que ce n'est pas une pensée que je pense que si on fait comme ça, on fait comme ça, on fait. Bon, quand tu vas finir par parler, tu vas aller faire que l'événement marche. Tu vas aller faire que l'événement marche par lui-même. Ok, vous tenez ici, vous dites. Il y a une inondation qui arrive. Cette inondation, ça traverse les terres. Je ne sais pas si le gouvernement pourra se tenir avec les catastrophes qui sont en train d'arriver. C'est ça, frère? Quelle est la différence entre l'aigle et le faucon? L'aigle s'est tourné vers le lion. Dans les hauts lieux, quelqu'un, il y avait la discussion, on serait départ. C'est ça, frère? Après, vous voyez l'événement, ça s'est déroulé. Qui a fabriqué ça? Il y a une nouvelle qui arrive. Il y a une nouvelle qui arrive. Derrière cette nouvelle, vous entendez? Voici les mots qui seront dits dans la presse. Vous notez? Attendez. Alors, Moïse, imaginez, restez un peu à la place de Moïse, allez porter ce message. Peuple d'Israël, oui. Dieu a dit que vous allez manger la viande. Non pas un jour, non pas deux jours, mais 30 jours. Tous les jours. Moïse, 30 ou 3. Tu as bien entendu, rassure-toi que Dieu a bien entendu. Parce que si après 3 jours, désert, et même regarde comme ça, après Aaron demande à Myriam que Myriam, le type, si Dieu avait dit qu'il parlait bouche à oreille, tu es sûr qu'il a vraiment entendu 30 jours. Il y a la viande ici. Quand le moment de la viande est arrivé, je vous pose la question d'où les viandes sont venues. Je vous pose la question d'où la viande est venue. Donc, normalement, le prophète, le porte-parole de Dieu, c'est un automate. Ainsi parle l'Éternel. Quand vous lisez le livre de Jérémie, il était un automate de Dieu. Il avait lui-même dit que je connais le peuple juif. Ce sont les gars qui ne blaguent pas. Je envoie quelqu'un d'autre. Il dit, je suis un jeune garçon, hein. Les gars qui partent annoncer l'évangile sont les gars qui sont vieux. Il dit non. Tu vas annoncer, c'est moi qui fais ta bouche. Tu vas parler avec ta bouche. Il dit, tiens là, ainsi parle l'Éternel. Nebuchadnezzar viendra et se soumettez-vous entre mes mains. C'est votre voie de salut. Le roi, le chef d'Israël, le roi de la mer dit que le gars, s'il parle comme ça, il décourage le peuple. Alors que le gars était fortifié, que je vais taper Nebuchadnezzar. Il lui dit que ne vous faites pas cela, ils vont vous faire du mal, ils vont vous amener en captivité. Le gars, s'il décourage le peuple. Attrapez-le, mettez-le là-bas jusqu'à ce que lui donnez le pain avec le lait. C'est le lait ou c'est? L'eau salée, qu'il mange. Il sort là-bas. Jérémie sort avec la barbe sur lui. Un jour encore, on sort. C'est lui, c'est ça. Jérémie, oui. Dis-nous. Jérémie l'a compris, mais c'est grave. Il a dit, s'il était dit, tu vas me faire du mal. Parce que la parole n'a pas changé. Et s'il n'était pas dans le conseil, tu ne dois pas suivre. Il dit que dis-moi. Ainsi parle l'Éternel. Nous, quand ça va vous amener en captivité. Il dit, hein? Donc, la prison ne t'a pas corrigé. Ça ne peut pas le corriger parce que ce n'est pas lui qui parle. Quand vous venez, dites. Je veux voir la voix de Dieu. Attendez-vous à la voix de Dieu. Quand ça c'est l'événement s'est arrivé, est arrivé. Alors, chapitre 44 de Jérémie, vous dites, d'autres viennent encore. Jérémie, oui. Invoque-nous ton Dieu pour qu'il nous dise maintenant si les réchappés qui sont ici, là, le reste qui sont ici, devant nous descendre en Égypte, oui ou non. Jérémie dit, ok, comme c'est bon. Et eux-mêmes, ils disent, ils lèvent la main dans le ciel. Il dit que le Dieu là dit de bien. Ou des mal, nous allons nous atteler à conflit, à obéir. La Bible déclare que 10 jours après, la parole fut adressée au prophète Jérémie. Ainsi parle l'Éternel, ne descendez pas en haut. Il est venu dire que venez encore, oui. Oui, ainsi parle l'Éternel, ne descendez pas en haut. Et Jérémie dit, Dieu ne t'a pas. Dieu ne t'a pas parlé. Et Jérémie, en partant, il dit que voilà, en partant, on a aussi tiré pour aller en Égypte avec lui. Mais cette personne savait dire que s'il dit quelque chose, si Dieu dit quelque chose, la réponse, ils vont abîmer. Mais ils ont dit à Jérémie que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Donc ça dit qu'ils savaient comment Dieu parle. Ça veut dire qu'ils connaissaient même la direction déjà. Puisque l'autre direction n'est pas la direction des dieux. Ça veut dire qu'en venant consulter Dieu, ils avaient leur direction. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors ce frère-ci, il me pose la question. Il parle, il dit que c'est comme pour ne pas t'agner. Et tout à l'heure, là, on a parlé. Il dit, et toi alors? J'ai dit, ok, si tu donnes l'éléphant que tu mets au frigo, il fait comment? Il dit que je sens que tu veux me prouver là. Parce qu'en réalité, il sait qu'on ne peut pas mettre l'éléphant au frigo. Je ne lui ai pas dit que l'éléphant est vivant. Je ne lui ai pas dit que l'éléphant est mort. Je ne lui ai pas dit que c'est une cuisse d'éléphant. Il a seulement dit l'éléphant. Il dit que mets au frigo. Romain a dit que non, c'est qu'il va d'abord découper ça. Dans l'élément que je lui donne l'éléphant, je lui ai demandé si c'est pas découpé. Il lui a dit si c'est pas découpé. Est-ce qu'il lui a donné le couteau? Les éléments qu'il a ajoutés là dans la foi, ce sont les apports humains. C'est ça qui bloque le coulement du Saint-Esprit. Quand le Seigneur dit, va, impose les mains, tu passes, tout simplement, le fait est qu'il a dit. Il dit 3 fois, il fait comme ça, 3 fois, je quitte. Le reste, c'est sa part. Amen. Il y a un frère, le frère Jules, qui vient ici, vous demandez-lui ce qui lui est arrivé. Demandez-lui ce qui lui est arrivé quand nous prions à la maison, là-bas, on était en train de prier à la maison. Il est venu un de ces jours, on s'est rendu qu'on était là. Le Saint-Esprit dit, va vers lui. C'était sa poitrine, j'ai touché sa poitrine, je suis resté sur sa poitrine. Moi-même, je ne savais pas ce que je faisais là. J'ai touché seulement sa poitrine. Il a arrêté sa poitrine comme ça, sur son ventre, en glissant la main, je suis parti. C'est à la maison qu'il a eu le phénomène. Vous savez, ses frères. Or, il a dit, avance, mets la main. Je mets la main. Il fait ce qu'il a à faire. C'est entre lui et lui. Or, maintenant, si tu dis, mets la main. Après, tu commences. Et si il met la main, il tape ma main. Ça, vous ne pouvez pas fonctionner avec Dieu. Vous ne pouvez pas fonctionner avec Dieu. Si il met la main, il n'a pas dit que je suis en train de lui mettre le. Peut-être que je suis en train de l'embouter. Ce n'est pas mon problème là-bas. Quand il dit parle, je parle. Préparez-vous, la détresse arrive. Le psaume 10, verset 1, un monde a écrit comme ça. Cherchez l'éternel avant qu'il se trouve. La détresse, au moment de la détresse, quand il va vous invoquer, il ne va pas répondre. La détresse arrive, préparez-vous. Préparez-vous, dites-le que la détresse arrive. Point. Je dis seulement ça. Le Cameroun était un arbre de paix. Il dit que non. Ce que vous appelez arbre de paix peut être un signe avant-courant, en cours d'une destruction qui va parcourir le pays. Pas vrai, frère? Il dit seulement comme ça, il parle. Alors, si vous vous tenez là-bas, je dis. Il te donne donc l'éléphant. Tu mets au frigo. La simple chose à faire, c'est quoi? Mettre au frigo. C'est pas ça, frère? C'est ça. Je vous donne la grandeur du frigo. Non. Je vous donne la grandeur de l'éléphant. Non, non. Parce que quelqu'un, tu écoutes, tu dis, mais comment mettre un éléphant au? Ça, c'est l'intellect humain. C'est à cet instant-là. Parce que quand vous regardez Jonas se trouve là-bas. Il se trouve, il dit que non, tue-les tous. Après, quand il se fâche, quand les gens se convertissent, il dit, ouais, le gars, il t'avait bien dit que tu es un Dieu qui est bon, qui pardonne. C'est pour ça qu'il ne voulait pas venir. Parce que tu vas pardonner ces péchés-ci. C'est parce que Jonas a dit, frère, il s'est fâché comme Dieu a pardonné les gens. Et allait s'asseoir là-bas. Le soleil a frappé juste parce qu'il délirait. Dieu a fait pousser un ressin comme ça. Ça l'a couvert. Dit, ah. Dieu a fait pousser un ressin en un seul jour pour lui donner une leçon. Après, il a tué le ressin en un seul jour. Vous suivez cela? Dieu a fait pousser la plante en un seul jour. Et puis, il a tué le même jour. Il a envoyé un ver. Donc, le ver a été commissionné comme apôtre. Il a piqué le racine. C'est mort. Même le ver de terre a servi dans la volonté de Dieu. Vous y êtes, frère? Et puis quand ça c'est mort, Dieu leur pose la question, tu fais-tu bien des titirités? N'est-ce pas, frère? Écoutez bien très attentivement. Le ressin pousse en combien de temps, normalement? Comment ça fait pour pousser en un jour? Maintenant, si Dieu veut te dire, maintenant, va annoncer maintenant qu'il y aura le ressin qui va pousser ici, maintenant. Tu pourras aller annoncer seulement ça. Tu vois, d'abord, et puis il dit que si c'est pas dit, ça n'arrive pas. Je ne pose pas ce genre de questions. Moi, je ne pose pas ce genre de questions. C'est pour ça qu'il vient de dire, si vous voulez travailler avec le Seigneur, abandonnez-vous entre ses mains. Quand vous abandonnez entre ses mains, il peut travailler au travers de vous. Oui, n'est-ce pas? Mais si vous calculez, vous trouvez dans le terrain de l'incrédulité. Alors, maintenant, tu lis la Bible. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera davantage. Je te dis, tu crois ça, frère? Vous voyez qu'il y a un problème ici. Et le vrai problème de nos chrétiens, donc, se développe à partir d'ici. L'incrédulité. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et donc, maintenant, dans la prochaine chose, il faut qu'on voit clairement les œuvres qu'il est en train de dire. Au chapitre 10, chapitre 9, vous pouvez voir les œuvres qu'il est en train de faire. Guérir les malades, c'est ça dont il est question. Guérir les malades, ressusciter les morts, c'est ça dont sont les œuvres qu'il est en train de parler. Donc, il parle ici des œuvres de la manifestation du Saint-Esprit. D'accord? Donc, c'est ça dont il est question ici. La question, c'est celui qui croit en moi fera ses œuvres. Crois-tu cela? Le frère, c'est que s'il dit qu'il croit cela, il dit, oh, c'est que pourquoi les œuvres ne suivent pas. Donc, l'incrédulité est le problème. Il faut qu'on développe donc. Maintenant, si tu crois ça, dans ce cas, pourquoi ça ne marche pas? Ça veut dire qu'il y a la croyance à l'œuvre de Dieu, comme on peut croire tout le monde que non, je suis chrétien. Il y a la croyance qui amène Dieu sur la scène. La croyance qui amène Dieu sur la scène, c'est la foi authentique purifiée. Bonne soirée. On va voir dans la prochaine séance. Que Dieu te bénisse. Amen.